Vous écoutez Futur Simple, édition spéciale Radioton 2017 en compagnie de Cyril Barrette, professeur émérite au département de biologie de l'Université Laval, et en compagnie de Boucar Diouf, biologiste et raconteur d'histoire. Et nous discutons ensemble de la sexualité et de la reproduction chez les humains et les animaux, ressemblance et dissemblance. Alors, on a parlé de la rencontre des partenaires, de l'acte sexuel. Il nous reste à aborder l'aboutissement de cet acte sexuel, soit la reproduction, la naissance d'une nouvelle génération qui perpétuera la lignée. Alors, après la grossesse, la femme met au monde un bébé et l'accouchement se fait dans la douleur. Est-ce que les femelles, chez les animaux, mettent également bas dans la douleur? Ben, moi, j'ai grandi dans une ferme. Et mon père a encore des vaches, des moutons, des chèvres, des chevaux, des ânes. Puis, je pense pas que ça se fasse dans le plaisir. Sincèrement, j'ai vu des chevaux mettre bas, j'ai vu des vaches mettre bas. Puis quand tu le regardes la face là, tu sais que c'est pas parce que chez les mammifères, ce qu'on oublie, c'est que à quelque part le bébé qui est les mammifères placentaires, je précise. Le bébé qui est dans le ventre de sa maman, là, il est bien là-dedans. Il est bien, il est au chaud, il est nourri, perfusé. Alors, c'est pas la sortie, lui, il n'est pas pressé de sortir. C'est pour ça que la nature a inventé l'ocytocine. Pour dire, regarde, à un moment donné, l'ocytocine, tu as des molécules qui arrivent et qui disent au bébé, écoute, on sait que tu es bien, là, mais c'est la fin du bain, on va te sacrer dehors quand même. Et ça fait mal, parce que parfois, la volonté est écartée du chantier. Toutes les femmes qui ont accouché, elles savent. Hein. Les contractions utérines, c'est des petites vagues qui se transforment en tsunami, mais tu n'as pas de contrôle là-dessus. C'est ton corps qui décide. C'est fini, mon gars. Tu vas sortir parce que si tu ne sors pas, ta tête va grossir et ça ne passera pas. Tu sais, la bipédie a rétréci le bassin de la femme un peu. Et comme la nature voulait un animal intelligent avec un gros cerveau, il s'est retrouvé devant un dilemme. Comment je vais faire? Parce que s'il continue après 9 mois, sa tête va grossir, ça ne passera plus. Donc, il a dit, OK, on va le sortir à 9 mois. Il va continuer son développement en bas. Mais moi, je suis convaincu que chez les animaux comme chez l'humain, ça doit faire mal. Quand on regarde le temps que ça prend pour mettre bas, chez toutes les autres espèces aussi, on voit que ça doit être douloureux. C'est difficile de sortir. Ça demande un grand nombre de contractions. Ça demande un très, très long moment. Et comme tu l'indiques, la difficulté, c'est d'arriver au compromis. L'animal veut naître, disons, veut, entre guillemets, là, génétiquement, veut naître le plus tard possible pour être bien développé à la sortie, mais le plus tôt possible pour que ce soit moins douloureux, pour que ce soit plus facile. Et particulièrement chez l'humain, comme tu l'indiques, avec le gros cerveau, il faut arriver à un compromis qui est très, très difficile, ce qui explique que, avant l'invention de la césarienne, il y avait un très grand nombre de femmes qui mouraient en couche. La femme et l'enfant mouraient parce que il était resté trop longtemps, ou le cerveau était trop développé, ou le passage était trop serré. Donc, c'était très courant des femmes qui mouraient en couche. Et chez les animaux, nous, je me souviens plusieurs fois, les vaches, faut les aider, là. Faut les aider. Arrive un moment où ils n'en peuvent plus, là. Faut que tu l'attrapes les pattes, puis tu tires. On tirait les bébés dehors pour les aider, parce que il a épuisé ses énergies, parce que c'est exigeant en tabarouette. De sortir un bébé, là, c'est un moment de vulnérabilité pour un animal. Imaginez les vaches qui sont dans les étables, qui descendent de l'Oroche, qui a été domestiquée dans le coin de la Turquie il y a à peu près 10 000 ans. C'est. Puis les vaches, aujourd'hui encore, juste pour parler de la vulnérabilité quand tu accouches, les vaches aujourd'hui dans les étables mangent encore le placenta. Il y en a qui pensent que c'est pour prendre des suppléments de protéines, mais c'est pas ça, là. C'est parce que l'oroche, qui est l'ancêtre de la vache, avait des prédateurs. Et les vaches se souviennent encore de ça génétiquement. Ils essaient de nettoyer le sang pour ne pas attirer les prédateurs. Mais c'est un moment de vulnérabilité, l'accouchement. Et je pense que le Québec, c'est un bel endroit pour poser ça à l'ancienne génération. Ils en ont arraché en tabarouette dans l'accouchement. Oui, absolument. Oui, si je pense à mes deux grands-mères, il y en a une qui a eu 22 enfants. Et l'autre qui en a eu 18, vous avez entendu ces chiffres-là, deux femmes, 40 enfants, et qui accouchaient à la maison, donc dans des conditions, il n'y avait pas question de césarienne. C'est des cycles qui ressemblent à des cycles d'un animal. Oui, oui, c'est une vie. Ouais, tu tombes enceinte, tu accouches. Ah oui, ces deux grands-mères-là ont été toute leur vie en reproduction, soit elles étaient enceintes, soit elles étaient en train d'allaiter. C'est ça. Et il n'y avait pas de médicaments comme maintenant pour réduire la douleur. Donc, c'est un compromis difficile. Les mammifères essaient de naître le plus développé possible. Et c'est pour ça que l'humain, avec son gros cerveau, naît à l'état larvaire, finalement. C'est une larve qui va demander des années de développement avant de pouvoir être autonome. Moi, j'ai dit un tube digestif qui hurle. Ça ressemble à ça pendant quelques années. Larves. Ouais. Autrefois, je disais un rapport après chaque tété. Toute sa vie à téter son boss pour produire un rapport par année. Mais c'est vrai que c'est un bébé humain qui arrive au monde. Tu le laisses là, il crève. C'est ça, puis jusqu'à 6 ans, il crève si tu le laisses tout seul. C'était justement un petit peu la suite de nos questions, parce qu'on se disait les bébés humains, ils naissent, ils ne sont pas finis, là, parce que justement, les os du cerveau ne sont pas finis de mettre en place. Bon, c'est comme c'est un tube digestif qui crie. Alors que chez les animaux, on a l'impression, chez certains mammifères, ils naissent et puis ils se lèvent presque aussitôt pour ils sont capables de marcher. Oui, mais on n'a pas ça, nous. C'est des ongulés, entre autres, les antilopes, les caribous. Le caribou, 15 minutes après la naissance, il peut suivre sa mère, mais c'est indispensable pour lui parce que la saison, il doit grandir suffisamment avant le début de l'hiver pour survivre à son premier hiver. Donc, il est très, très pressé. L'été est très court, donc il est très, très précoce. Mais chez nous, le développement prend tellement de temps qu'on est à l'état larvaire. Voilà, c'est ça notre force aussi. C'est l'inconvénient parce qu'il faut investir beaucoup dans le développement du bébé, mais c'est ça la force de l'espèce humaine aussi. C'est le prix à payer pour avoir un développement social et cérébral très, très avancé. Oui, c'est 10% du cerveau qui est câblé chez un bébé humain quand il vient au monde. 10%, 90%. Là. Et les 6 ans qui suivent, il faut travailler là-dessus. Et même il y en a à 19 ans, là, c'est pas fini. Il faut vraiment que tu décides de mettre dehors. Alors ça, ça a été un inconvénient, mais un avantage pour l'espèce humaine. Parce qu'un chimpanzé qui met au monde un bébé, il doit s'en occuper, la maman chimpanzé, pendant 4 ans, là, avant d'avoir un autre bébé. Alors que chez l'humain, le fait d'avoir un bébé qui arrive au monde, qui est assez frêle, qui ressemble à un légume, on peut l'allaiter pendant un certain temps, puis le sevrer, puis le fait qu'on soit des animaux sociaux qui s'entraident, le bébé, aussitôt qui est sevré, on peut le remettre à la grand-mère ou aux proches parents, et on peut retomber enceinte. Et c'est comme ça que l'Homo sapiens a en partie aussi damé le pion à la grande majorité des mammifères. Là. Ça a proliféré assez rapidement. Oui, pour résumer ce que tu dis, comme on dit chez vous, ça prend un village pour élever un enfant. Effectivement. Donc, c'est pas juste la mère et le père qui sont responsables. C'est tout le groupe social qui doit contribuer et c'est indispensable, cette contribution-là, parce que le développement psychosocial de l'enfant, c'est très long. C'est très compliqué. On a parlé de plusieurs chiffres, là, 22 enfants, des 10%. Il y a un autre chiffre qu'il faut quand même qu'on annonce dans le cadre du Radioton, puis je vais laisser Boucard l'annoncer. Donc, à 13h, combien on avait d'accumulés, Boucard? À 13h, on n'en a pas assez encore. À 13h, on a $12,948 et je sais qu'il y a plein de gens qui vous écoutent dans présentement. Et donc, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur, alors sortez les cartes de crédit et donnez-nous-les. C'est ça. Si ça ne fait pas votre bonheur, ça va faire le bonheur du Radioton ici. Je suis convaincu qu'après ça, il va y avoir au moins 20 personnes qui vont appeler pour donner, je suis sûr. Merci. $12,948 pour un objectif de 42 000, c'est pas beaucoup. Allez, sortez le pognon, voilà. C'est beau, Boucard. Merci, Boucard. Oh là là, alors là, on a plein de questions qui nous arrivent. Il va falloir qu'on prenne le temps de les lire. Peut-être pour continuer. Oui, François? J'allais dire, comme on disait, le petit aîné, il faut le nourrir dans un premier temps. Il va téter. Ensuite, il faut lui apporter à manger, lui apprendre à se nourrir lui-même. Qui s'en occupe, en fait? Est-ce que c'est toujours la femelle chez les animaux? Chez les animaux? Oui. Ah ça, il y a des variantes, mais je pense que je vais laisser la parole. Cyril, je te passe la parole. Tu es le spécialiste des mammifères. Chez les mammifères, en tout cas, qui sont plus proches parents de nous, la monogamie est très, très rare. Donc, c'est très rare que le père connaît ses enfants et que le père s'occupe de ses enfants. Okay. Ce qu'on trouve le plus souvent, c'est la polygynie, parce que ce qui est le plus intéressant, ce qui est le plus payant pour le succès reproducteur du mâle, une fois qu'il s'est accouplé avec une femelle, c'est d'en chercher une deuxième, une troisième, une quatrième. Donc, le soin des jeunes chez les mammifères est assuré presque entièrement par la mère. Et il y a là une injustice sociale qui est incontournable et à laquelle on peut pas facilement échapper. La femme a déjà payé pour la grossesse et elle doit payer pour l'allaitement. Oui. Bien, évidemment, dans nos sociétés, on peut contrer, on peut contourner ça un petit peu, mais dans les sociétés traditionnelles, chez les chasseurs-cueilleurs avant nous, c'est la mère qui payait, qui investissait tout. Le père pouvait être un pourvoyeur, mais alors chez les autres espèces de mammifères, c'est la normalité, c'est la femelle qui s'occupe des jeunes. Voilà, chez les oiseaux, la monogamie est plus présente chez les oiseaux. Parce que des fois, quand l'investissement pour assurer la descendance est très très élevé, généralement, ben le mâle et la femelle vont s'occuper de ça s'ils veulent avoir une descendance quelque part. Donc la monogamie, on la retrouve beaucoup plus chez les oiseaux. Il y en a plein là, les albatros. Mais même là, on parle de monogamie, mais c'est pas une totalement monogamie parce que bien des études ont révélé que dès que la femelle tourne le dos, le mâle va retrousser les ailes de la voisine. C'est vraiment... Est-ce que t'aimes mon expression, hein? Mais je crois que c'est une grande question de la biologie de l'évolution. À quoi sert le sexe? Parce que c'est un partenariat où la femme est lésée un peu, la femelle, du moins pour ce qui est des mammifères. Bon, moi je t'envoie mon spermatozoïde, toi tu couvres tout ça, tu dépenses tellement d'énergie, tu prends des risques de mourir à l'accouchement, tu vas l'allaiter le bébé et moi j'ai ramassé 50% de la génétique. Il va falloir, il faut un sacré, comment on pourrait dire ça, il faut que le sexe ait un avantage évolutif assez élevé pour que la femme soit vraiment aussi lésée parce que Cyril pourrait t'en parler plus en détail, mais... C'est ça, c'est pas un partenariat où on dit on met 50% puis on récolte 50% des bénéfices. Chez les mammifères, les femelles sont lésées. Pourquoi? Ben, c'est une belle question. Pourquoi? Là. Mais c'est une injustice sociale à laquelle on peut rien. C'est fait comme ça. C'est pas une façon de justifier le fait que les pères chez l'humain aujourd'hui ne s'occupent ça sera pas une raison pour qu'ils s'occupent pas des enfants puis de dire ben voilà, c'est naturel, c'est normal, c'est fait comme ça. C'est le contraire qui se passe. Si je regarde nos enfants, leurs enfants, on considère souvent qu'ils ont deux mères parce que le père s'en occupe autant que oui. Probablement que c'est ton cas aussi. Mais moi, sincèrement, je le dis souvent. Moi, mon père, les rares fois où je l'ai vu entrer dans une cuisine, c'était trompé de porte. alors que toi, tu es sûrement plus souvent dans la cuisine. Oui, moi, maintenant, je cuisine des sauces spaghetti et tout le reste pour mes enfants. Mais je pense que une des choses qui est avancée pour expliquer cette espèce de déséquilibre dans la transmission des gènes, la femme qui s'occupe de tout, puis l'homme qui transmet ses gènes, c'est beaucoup l'avantage que ça procure au niveau de l'immunité, c'est la sexualité. Si tu as un système immunitaire qui est différent du mien, si on fait des enfants ensemble, notre descendance va hériter d'une troisième combinaison qui peut-être va l'avantager dans la lutte que nous livrons à nos parasites, c'est... Parce qu'on est en guerre, c'est continuellement. Oui. Dans l'existence de la reproduction sexuée, effectivement, on n'aura pas le temps de discuter de ça en détail maintenant, mais c'est un paradoxe parce que les espèces, la majorité des espèces vivantes sur Terre, si on veut en parler deux minutes, sont asexuées, se reproduisent d'une façon sans sexe. Si on pense aux bactéries qui se divisent en deux, par exemple, c'est beaucoup plus payant parce que la bactérie transmet 100% de ses gènes, alors c'est que ça. Si je me reproduis sexuellement, je prends un échantillon aléatoire de la moitié de mes gènes que je mélange avec un échantillon aléatoire de la moitié des gènes de quelqu'un que je connais pas, puis dont je connais pas exactement la valeur des gènes. Donc, c'est un paradoxe. Donc, puisque ça existe, il doit y avoir des grands avantages. Et je pense que l'avantage principal, c'est un peu ce que tu suggérais, c'est que ça permet de produire une progéniture qui est plus diversifiée génétiquement. Chez les bactéries, on assiste à un clone, tous les individus sont identiques, alors que chez nous, chaque individu est unique. Donc, pour le travail de la sélection naturelle, c'est avantageux. C'est une, dans le fond, ça nous donne des armes... Ça donne à la descendance des armes pour vaincre là où leurs parents ou leurs arrière-grands-parents ont failli. Dans une théorie qu'on appelle la course aux armements. On est en course contre les parasites qui nous tuent, parce qu'il y en a plein, hein, qui nous font crever. Donc, fait d'avoir donc ce brassage de gènes nous aide à développer des armes nouvelles. N'empêche que si la justice existait dans la nature, la sélection naturelle aurait pu s'arranger pour que ce soit plus juste pour les mammifères, c'est que la femme se paye pour la grossesse puis que le mâle allaite. Ça existe, quelques-uns. Ça existe, c'est très, très rare. Ben, comme les manchots empereurs. La femelle a peint son œuf puis elle dit au mari Jean-Pierre, viens ici, tiens. Moi, je te donne l'offre, je m'en vais, là. Je reviens dans 2 mois. Oui, je reviens dans 2 mois. Bonne chance, mon gars. Je vais revenir sur le thème de la naissance, puis poser à nouveau une question d'une des auditrices qui est présente ici. Donc, elle se demande pourquoi la naissance des bébés humains est dissociée des saisons, à la différence de beaucoup d'animaux humains. Donc, chez les animaux, souvent, le petit naît au printemps, alors que finalement, chez les humains, c'est n'importe quand dans l'année. Mais ça dépend des conditions écologiques. On s'arrange pour que le jeune naisse au moment favorable, la saison la plus favorable, la plus facile, où la nourriture est la plus abondante pour la femelle. Mais même chez lui-même, vous savez, il y a une étude qui montre que dans les pays occidentaux comme nous, ça a été démontré en France et en Allemagne, il y a un léger pic des naissances au mois de septembre. S'il y a un léger pic des naissances à la fin septembre, ça veut dire qu'il y a un léger pic des accouchements à la fin de l'année, pendant les fêtes de fin d'année. Donc, apparemment, pendant les congés des fêtes, à la fin de l'année, Noël et le jour de l'an, il y a plus de congés, et ça expliquerait le léger pic qu'on trouve. Donc, c'est pas pour des raisons écologiques, c'est pour des raisons purement sociales. Ouais. Donc, comme nous, ben, il faudrait voir chez les populations de chasseurs-cueilleurs qui vivent encore très, très proches de la nature, je ferais la prédiction qu'il doit y avoir des saisons défavorables pour les naissances et des saisons favorables. Donc, mais chez nous, on n'a plus besoin de ça, donc on peut... Les naissances sont distribuées à peu près uniformément, sauf pour ces très légers pics qui, statistiquement, ne sont pas vraiment significatifs, mais qui ne sont pas pour des raisons écologiques. Et chez les animaux, je disais, pour simplifier, que c'est au printemps, mais est-ce qu'il y a des cas d'animaux chez lesquels c'est plutôt, je sais pas, à l'automne ou en hiver ou à d'autres moments? En général, la naissance se fait dans la période où il y a une disponibilité de nourriture. Quand tu regardes les oies qui font des pérégrinations très très loin, très souvent il y a deux choses. Souvent c'est les prédateurs et la nourriture qui déterminent la période de naissance, parce que tu peux pas amener les bébés, même s'il y a de la nourriture, puis les prédateurs abondent, puis tu amènes les bébés, le risque est assez élevé. Puis toutes les petits oiseaux qui migrent très loin, qui sont pas capables de ce Joël Betty qui est à l'université de Rimouski, qui travaille là-dessus, qui ils ont démontré vraiment qu'il y a une corrélation avec les prédateurs. Oui, bien sûr. Mais plus les prédateurs sont rares, mais plus ils vont aller le plus loin possible pour s'éloigner des prédateurs. Mais tout est calculé pour que les oiseaux puissent revenir, emmagasiner de l'énergie et revenir par la suite. Mais une des exceptions intéressantes, mais qui est aussi pour des raisons à caractère écologique, c'est les ours. Les ours mettent bas dans la tanière, la femelle met bas dans la tanière en hiver, et chez les ours, les jeunes, les nouveau-nés sont tellement petits qu'elles ne s'aperçoivent peut-être même presque pas qu'elle met bas. Le jeune grimpe lui-même jusqu'aux mamelles pour pouvoir s'allaiter. Donc, mais on voit qu'il y a une certaine logique là, au niveau de la survie des jeunes. La femelle est à l'abri, elle est dans la tanière, donc les jeunes sont bien protégés, et elle met bas quand ils sortent au printemps, ils sont déjà assez développés pour se déplacer. Il n'y a pas beaucoup de nourriture là dans l'environnement à ce moment-là, justement. Il y a des réserves de graisse chez la femelle. Ah, oui. Okay. Elle vit beaucoup, sur ses réserves pour sa propre survie et pour l'allaitement de ses jeunes. Ils sont juste à côté, en fait. Ouais. Et après la naissance, que devient le couple une fois que le petit est sevré, éduqué? Chez les humains, on a l'impression que les couples se font, se défont, il y a des relations extra-conjugales. On en parlait un petit peu tout à l'heure. Chez les humains, la fidélité n'est pas garantie. Comment ça se passe chez les animaux? Est-ce qu'il y a des couples fidèles qui restent, mâles et femelles, qui restent ensemble toute leur vie? Ah, ça doit être extrêmement rare. C'est rare. Les albatros, ça a été démontré par des biologistes français que vraiment les couples sont toujours ensemble. Mais pendant la période de reproduction, après ça, le mâle s'en va de son côté, la femelle, puis il dit « Ok, Francine, on se rejoint ici l'année prochaine. » Mais c'est une monogamie là où on dit pour le meilleur et pour le pire jusqu'à ce que la mort vous sépare là. Ça là, c'est chez l'humain qu'on l'a essayé, puis on voit que ça marche pas tant que ça là. Non mais c'est vrai. Hein? Il faut comprendre que la monogamie c'est jamais avantageux pour le mâle. La monogamie, le mâle n'est jamais monogame par choix. Cyril, votre femme n'est pas ici, vous hein. Et vous regarde en plus. Il y a toujours une tendance à la polygynie. Si on est monogame, c'est parce que c'est nécessaire. Je donne l'exemple, par exemple, des renards roux. Si les conditions écologiques sont très favorables, puis il y a beaucoup de nourriture, les conditions sont très, très défavorables, il y a très peu de nourriture, très peu de rongeurs, le mâle est obligé de rester avec la femelle pour assurer son propre succès à lui. S'il y a beaucoup de nourriture, après l'accouplement, il s'en va. Parce que c'est plus avantageux pour lui de chercher une deuxième femelle que de rester avec la première. Ah non, moi je pense que même chez l'humain, on a ce potentiel-là. Ben c'est oui. Quand on dit le désir, c'est un leurre, le coup de foudre, une arnaque. Là. Les vrais contrôleurs sont petits. Ils sont tout petits. Il y a une part de génétique là-dedans. Parce qu'on a beau dire, tomber en amour, c'est une espèce de d'euphorie. Le coup de foudre, le corps ne peut pas rester là-dedans. C'est trop exigeant pour un corps humain tomber dans le coup de foudre. Ce sont des molécules en quantité industrielle, des neurotransmetteurs, des trucs qui vous rendent... Quand tu es en coup de foudre, d'abord tu es aveugle. Tu es aveugle parce qu'il y a ce qu'on appelle l'effet lunette rose. C'est que tu vois plus ce qui se passe autour de toi. Tu vas être fou parce qu'il y en a... Il faut juste voir quelqu'un qui... La blonde l'a largué puis est parti. Comment les gens deviennent complètement dingues. Et tu vas être sourd, aveugle, et tout ça, à quelque part, il y a les murmures des jeunes de Cyril Barrette qui sont là-dedans. Ils veulent passer à une autre génération, donc ils catalysent un rapprochement. Mais une fois que la fécondation est faite, nous avons le potentiel, le même potentiel que les autres animaux, parce que tout ça tarit, puis... Ah oui, absolument. Alors malheureusement, c'est tout le temps que nous c'est avons. C'est vrai? Oui, incroyable. Déjà? Merci beaucoup, Boucardiouf, merci beaucoup, Cyril Barrette. Merci à vous. Alors c'était un immense plaisir, pour ne pas dire une jouissance intellectuelle, de vous recevoir à Futur Simple, au Radioton de CKRL. Alors évidemment, le Radioton se poursuit et je me permets de mettre au défi tous les auditeurs qui nous ont écoutés, qui ont écrit cette émission et qui l'ont aimé. D'appeler à la station pour faire un don. On va dire que ça prend un don minimal de 10 $ et je pense que ça valait au moins ça. Je pense que le numéro de téléphone, c'est le 418-640-2575. S'ils sont capables de faire des dons de sperme, ils sont capables. Hein? Alors, c'était Valérie Levé et François Grégoire. On vous dit merci et on vous donne rendez-vous jeudi prochain à 17h30 pour une autre émission de Futur Simple. Merci beaucoup. Merci à vous.